voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Marc et Lottie font partie de ces citoyens en transition. Ils vivent avec leurs enfants dans une maison sans eau, sans électricité, sans téléphone dans la campagne du Gers. Ils habitent là-haut, sur la colline, dans une belle petite maison de pierre. Leur cadre de vie est idyllique. Cette famille incarne parfaitement le terme de la sobriété heureuse. Avec Marc et Lottie, dans cette deuxième partie de l'émission, parlons argent. Donc le modèle économique, c'est 150 euros à 4 par mois pour la nourriture. Mais alors, quels sont, si on peut prendre sur l'année ou sur un mois, essayer de répartir un peu les différentes dépenses. Quelles sont les dépenses mensuelles ici? Donc il n'y a pas de facture de téléphone, il n'y a pas de facture d'électricité, il n'y a pas de facture d'eau. Mais le grand truc, c'est la mutualité agricole. Parce qu'on est exploitant, on n'est pas cotisant solidaire et c'est un peu par volonté. Parce qu'on veut justement montrer que c'est une vraie alternative et qu'on n'a pas un statut de RSA, mais qu'on a un vrai statut de. Donc ça, c'est la grande dépense, c'est la moitié. Combien? C'est 4 500 par an. Donc ça, c'est des charges à payer en tant qu'exploitant agricole. C'est voilà. Des charges fixes, quoi. Voilà. Après, voilà, il y a la bouffe. Après, il y a la cantine des enfants. Mais la cantine des enfants, je ne la compte pas vraiment parce qu'on la paye avec les allocations familiales. Donc, hop, ça va direct. Après, il y a des petits bricoles. De temps en temps, un nouveau tuyau pour le jardin ou un truc qu'il faut réparer sur le vélo ou des nouvelles chaussures pour les enfants. Annuellement, le budget annuel, tu as une idée? Je pense qu'on doit dépenser, sans la MSA, ça doit être vers entre 4 000 et 5 000 euros par an. Et maintenant pour l'argent, comment est-ce que vous le gagnez? Quel est le modèle économique qui vous permet de payer ces charges? C'est la vente de nos herbes aromatiques. On fait des tisanes, des mélanges de tisanes, aussi des simples. On fait des herbes aromatiques moulues avec un moulin qui fonctionne avec un vélo d'appartement. Et après, des sirops et des vinaigres. Et tout ça, on le vend dans des biocopes, essentiellement dans quelques restaurants aussi. Et puis la vente à la ferme et par correspondance. Voilà. Et donc la vente de sirop, de plantes, de tout ce que vous produisez dans le jardin, ça vous rapporte combien? Vous arrivez à dégager un bénéfice ou c'est pas le but finalement? C'est juste de couvrir les charges ou est-ce qu'il y a cette volonté de produire plus? Je pense qu'il y a un petit bénéfice qu'on met de côté pour plus tard ou pour des choses qui arrivent qu'on n'a pas trop compté. Et ça couvre tout ce qu'on a besoin. Ouais. Et ça depuis maintenant 18 ans. Extraordinaire. C'est génial. Et la vie d'avant, avant de venir ici, donc il fallait acheter le terrain? Non, on est arrivé très jeune ici. On est allé à l'école avant. Mais on était en Suisse, donc jusqu'à 21 ans, on est allé à l'école. Après, on est parti un an en Colombie pour travailler là-bas. Et puis, on est revenu. Et puis, direct, on est venu en France pour acheter la maison. Après, on est allé 2 hivers en Suisse, parce qu'en hiver, on gagnait mieux qu'en France. On a travaillé 2 hivers en Suisse pour payer la maison et la terre, et voilà. Justement, avant, on voyageait pas mal en Europe, et puis après en Équateur et en Colombie. Et on avait vraiment, vraiment envie d'avoir un lieu à nous, parce qu'on était souvent, pendant les voyages, peut-être logé chez des gens, chez des amis, et on avait envie plutôt d'avoir un lieu où on pouvait, par exemple, aussi recevoir des gens. Et aussi un lieu pour rester. Donc l'envie de voyager, surtout loin, et plus forcément là, peut-être ça reviendra un jour. Marc et Lottie, donc vous habitez un peu dans la petite maison dans la prairie, sans eau courante, sans électricité, donc sans tous les appareils électroniques, sans ondes, parce que pas de téléphone portable non plus dans la maison. On a vu un peu le rythme sur l'année qui est pas mal basé sur les saisons parce que bah, forcément en hiver les journées sont plus courtes donc quand il fait nuit à 5 heures on va au lit beaucoup plus tôt qu'en été quand il fait nuit à 10 heures. Allez, on va commencer Lotif et moi peut-être la journée type en hiver. Journée type en hiver, c'est vrai que là, avec les enfants qui vont à l'école, on est un peu moins rythmé au soleil. Les journées sont un peu plus. On se lève toujours à la même heure, peu importe si c'est l'hiver ou l'été. On se lève à 6 heures maintenant, un de nous deux, parce que Mona, elle va au collège. Donc, il se lève avec Mona, petit déjeuner avec elle, l'accompagne jusqu'au bus, qui est à 3 km en vélo. Il rentre, après c'est Yelena qui se lève avec l'autre. Puis on petit déjeuner ensemble. Yelena, elle part au bus, il est 8h30. Et après on travaille, soit on va dans le bois pour chercher du bois mort, pour chauffer, soit on tamponne des sachets pour l'année, soit on prépare une commande. Soit Marc il répare un petit truc quelque part, ou je fais à manger, je fais la vaisselle, mais assez tranquillement. À 10h, on fait un petit goûter, on se boit une tisane, à midi, on mange, on fait 1 heure de pause, on bouquine un peu. Et à 4h30, Yelena elle rentre, et puis 1 heure plus tard, on va chercher Moana au village. On mange ensemble. Et on bouquine un peu tous. Et puis, un après l'autre, on va se coucher. Et puis, voilà. Ainsi de suite. Et le printemps et l'été? Le printemps, c'est notre saison où il y a le plus de travail. Donc là aussi, on est un petit peu plus tendu parce que presque toute la récolte qu'on fait dans l'année se fait entre mi-avril et mi-juillet, on va dire. Donc il faut pas qu'on la rate, c'est notre revenu. Et ça fait qu'on est un petit peu plus, on va dire, ouais, on est un petit peu plus stressé. Et on commence à peu près pareil, à la même heure après que quand les enfants sont à l'école. Et là, c'est assez intense. Il y a beaucoup de travail physique aussi au printemps. Les enfants participent un peu à tout ce qui est tâches jardinage? Non, non, ça c'est un choix aussi qu'on a fait. On s'était dit, on va pas les obliger. S'ils ont envie de faire, de venir vite nous aider un petit coup, ils le font. Mais d'habitude, non, on se dit, c'est notre choix, c'est notre travail, donc on le fait nous-mêmes. Comment vous vous appelez les enfants? Moana. Moana et Yelena. Yelena. Est-ce que vous avez envie de me raconter un petit peu ce que vous faites pendant les vacances? Hein? Je peux vous demander? Là, en ce moment, il n'y a pas école, là, c'est les vacances, non? Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? De printemps, on part quelque part, mais sinon, quand on est là, on fait surtout. Mais on a joué un peu, et comme il pleuvait dehors, on est resté plutôt à l'intérieur. Et quand il fait beau, tu joues à quoi? Enfin, vous jouez à quoi ensemble? On joue dehors, on s'amuse dehors. Vous écoutez la voix du Kaizen. Et les moutons alors et l'âne, c'est pour quoi? D'abord, on avait les moutons parce que il y a pas mal de terrain autour de la maison et pour pas être obligé de tondre. Donc c'était vraiment ça la motivation pour avoir des moutons. C'est pour ça que c'est bien entretenu. Enfin, Ouais. c'est vrai que je me suis dit, c'est hyper bien entretenu, quoi. Ouais, C'est voilà. des Donc, moutons. et ils sont vraiment autour de la maison. On n'a pas clôturé la maison. Et ce qui fait qu'on n'a vraiment pas à tendre pour ça. Et du coup, ouais, on a les moutons. Et on avait des problèmes un peu avec des chiens de ferme, en fait, qui ont attaqué de temps en temps les moutons. Et quelqu'un nous a dit qu'un âne était un très bon Gardien. gardien. Et du coup, ouais, on a acheté un âne. Pas loin d'ici, il y a une ferme où ils ont beaucoup d'ânes. Et pendant longtemps, on l'avait vraiment juste pour ça. Et tout le monde nous a dit, ah, vous voulez pas faire l'attraction animale, ce serait intéressant. Et puis, bon, on savait pas trop. On se dit, bon, peut-être, on va essayer. Et puis, petit à petit, on s'y est mis. Et on travaillait pendant quelques années pas mal avec l'âne aussi, en traction animale. Finalement, on n'avait pas vraiment assez de travail. Donc, du coup, il y avait des longues distances, des longs moments où on ne travaillait pas avec l'âne. Et du coup, à chaque fois, il fallait un peu recommencer et c'était pénible. Et puis, je ne sais pas, à tous les coups, on avait un petit peu mauvaise conscience. On se dit pourquoi elle doit travailler pour nous. Je pense que ça y fait aussi que peut-être on avait de plus en plus de mal aussi à la faire travailler. Et depuis peu de temps, on s'est décidé qu'on va refaire tout à la main, comme au début. Ok. Et puis, on ne sait pas éduquer des animaux, on s'est rendu compte. C'est vraiment pas notre truc et voilà, du coup, ça n'a pas marché. Mais je pense que l'attraction animale en elle-même, c'est vraiment une très bonne chose, mais je crois que ce n'est pas pour nous. C'est génial. Marc, Lottie, donc dans la petite maison, toujours là, on est vraiment dans un... On est où là? Dans la cuisine qui fait salon aussi, hein, c'est ça, la pièce de vie commune. Donc dans une maison sans électricité, avec l'envie de ne pas embêter les animaux en les faisant travailler. Alors, est-ce que vous les mangez, les animaux? Non. Si, quand on est invité quelque part, je mange les viandes, mais moi, je cuisine jamais de la viande. Bah donc, pas végétarien, mais quand même cette volonté hein, d'avoir vraiment un impact minimum sur aussi l'animal. Oui. C'est, y a un côté aussi pratique, parce qu'on n'a pas de frigo, par exemple, donc c'est difficile de garder la viande. Mais plutôt, c'était qu'on n'a pas trop envie de... Ouais. Enfin, l'imagination de tuer un animal, de le manger, tout ça, ça ne me donne pas trop envie. Après, on a vécu, dans nos familles, on a toujours mangé de la viande. Et du coup, de temps en temps, de manger chez quelqu'un un bout de viande, ça nous fait plaisir. Mais ici, on ne sent pas le besoin. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Marc, Lottie, qu'est-ce qui vous manque? Quels sont les besoins matériels qui vous manquent? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Matériellement, il n'y a vraiment rien qui me manque. Mais ce qui pourrait peut-être me manquer, c'est ma famille qui est un peu loin. Et que je me dis là, avec mes parents, quand ils vieillissent, qu'ils viennent moins souvent ici. Ouais, je pense que c'est ça qui va le plus me manquer. Marc? C'est un peu pareil, je pense. Je vois pas du matériel ou un confort qui me manque. Et ouais, pour moi, pareil, c'est la famille qui est un peu loin. Et ça peut devenir de plus en plus compliqué. Ouais. Oh. Mais en fait, c'est hyper touchant votre discours, parce que vous êtes vraiment des modèles, quoi. Enfin, des modèles pour la planète, pour la sobriété. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas de nous créer des besoins aujourd'hui dans cette société de consommation. Comment vous faites pour ne pas avoir de besoins? Déjà, je ne trouve pas du tout qu'on ait des modèles, parce qu'on aime bien... Je veux dire, on est très content de pouvoir se servir d'une voiture une fois tous les 3 mois aussi. On est content de profiter de cette société aussi. Et on achète des choses aussi. On n'achète pas rien. Et puis, on y contribue aussi. Pour moi, je le vois, quand je suis ici, j'ai vraiment pas envie de rien acheter. Ou j'ai vraiment pas l'impression de manquer de rien. Après, quand je passe quelques jours à Auch et que je vois... tout de suite, ça donne envie. Tu passes à côté d'un instant qui fait des jolis bijoux, tu dis une nouvelle bague, ça serait chouette. Mais en fait, ici, j'ai jamais pensé que j'aurais besoin d'une bague. Mais après, c'est sûr, en ville, t'es stimulé et ça te crée des envies, c'est normal. Et comment tu fais pour pas craquer alors, pour t'acheter cette nouvelle bague? Qu'est-ce qui fait que tu vois, tu ne la prennes pas? Parce que je me dis, quand je suis partie à la maison, j'avais pas besoin, je m'étais pas dit que je vais acheter une bague. Mais souvent, oui, que je me dis, mais j'avais pas prévu de l'acheter, donc je vais pas l'acheter. Et toi, tu résistes des fois à la tentation ou pas? Ou comment tu vis ça quand tu es à Auch et que tu vois peut-être pas une bague, mais peut-être une jupe, je sais pas. C'est normalement le temps qu'on passe à Auch, c'est vraiment assez court. On part d'ici, on livre les magasins, on a une liste avec tout ce qu'on a besoin d'acheter. Et donc, on l'achète et on retourne. Donc, du coup, ça facilite un petit peu la chose pour pouvoir résister, par exemple. Mais c'est vrai, dès qu'on est en ville, On est stimulé et donc il y a des envies aussi. Enfin, où tu, ouais, ça passe pas à côté de nous non plus. Mais bon, déjà, on a un peu le recul. On sait que c'est le mode de fonctionnement aujourd'hui, d'essayer de stimuler, qu'on achète des choses. Donc, du coup, on arrive à se protéger si jamais. Et après, je pense de temps en temps de faire une exception, c'est toujours bien. Si ça reste sain, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'acheter quelque chose en général, c'est juste qu'il faut trouver le bon moyen. Et les enfants, quand les enfants ont des besoins, comment vous y répondez? Pour l'instant, ça se passe très bien. Et après, on fait quand même attention qu'ils soient habillés comme les autres. Mais pour ça, on récupère quand même les habits. On arrive à récupérer pas mal d'habits. Et pour le téléphone portable, parce qu'au collège, maintenant, on commence à avoir le téléphone portable. Donc c'est pour ça que je dis, ouais, je pense que le téléphone portable, ça viendra bientôt. Ouais. Parce que là, elle rentre en cinquième. Ce ne sera pas chacun son téléphone ici. Moi, je pense que ce sera les enfants qui auront... Oui. Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit exclue, et c'est évident aujourd'hui aussi. Pour un adolescent, s'il n'a pas de portable, il n'est pas intégré. Donc du coup, je pense que ça c'est normal qu'elle en a un. Mais on essaiera, je pense, que ça reste chez eux. Qu'eux, ils peuvent profiter, et nous, je ne sais pas. Ouais, je pense plutôt qu'on n'en aura pas un nous, à nous. Si jamais la cabine reste au village. Quand même, pour nous, c'est quand même très important d'être pas hors de la société. Pour nous, c'est très important d'être faire partie de la société, d'être intégré, de participer à l'école. Il y a trois termes, sobriété heureuse, simplicité volontaire, décroissance, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que ça vous parle? Quel est le terme qui vous parle le plus et pourquoi? Je ne sais pas, si, peut-être sobriété heureuse, ça me plaît parce que c'est pas qu'on a l'impression de dire non à quelque chose, c'est plutôt de dire oui à quelque chose et on a plus l'impression de profiter, d'être privilégié quelque part. Privilégié, pourquoi? En faisant ce choix, en faisant aussi notre activité, donc on est privilégié parce que on a, comme on avait déjà dit, beaucoup de liberté. On est sûr de pouvoir manger sain, ce qui vient de nos terres, on a planté nous-mêmes, donc on sait d'où ça vient. On a toujours des choses frais, par exemple, toute l'année. On a des choses frais qu'on peut aller chercher vraiment devant la porte. On a tous nos besoins sont satisfaits. Et en plus, on a du temps, on peut travailler à notre rythme. Tout ça, ça fait que... Enfin, c'est pas tout le monde qui peut s'organiser comme ça dans la vie. Et du coup, quelque part, c'est vraiment un privilège, ouais. Ça fait donc 18 ans qu'on est là. Et on avait, depuis qu'on est ici, on vit comme ça. On a cette... on vit sans électricité, assez simplement et tout ça. Et du coup, maintenant, ou presque dès le début, notre mode de vie est devenu plus très important. C'était vraiment un mode presque comme un autre pour nous. Et... du coup, c'est plus trop un sujet quand on part quelque part ou quand on est avec nos amis et tout ça. On parle pas de ça et ça me convient quelque part. Je veux pas le mettre trop en avant. C'est pas c'est vraiment un mode de vie qu'on a choisi parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Et puis après, on a vraiment envie d'être comme les autres pour tout le reste. Et d'être avec les autres et de pas, ouais. On n'essaye pas de choisir que des gens, d'être avec des gens qui sont comme nous. Comme Marc dit, pour nos copains, notre mode de vie, il n'a plus vraiment un rôle important. Quelque part, on est Marc et Lottie, et puis on est quand même des personnes comme tout le monde. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.